Parfois je suis seul comme mal entouré dans le carré VIP. Je veux te voir sourire, le soleil briller dans ta rétine. Plus de grisaille ni des sales ambiances où s'arrêtit. Juste kiffer voir les têtes bouger sur la rythmique. Parfois je suis seul comme mal entouré dans le carré VIP. Je veux te voir sourire, le soleil briller dans ta rétine. Plus de grisaille ni des sales ambiances où s'arrêtit. Juste kiffer voir les têtes bouger sur la rythmique. Tu sors du comico sans tes lacets, ouais. Tu fais rien pour t'en sortir mais tous les jours tu nous dis que c'est la haise, ouais. Trouve-toi un taf, pas toi, les autres y arrivent, pas toi. Tu traînes dans la zone mais t'oses me dire que t'aimes pas ce rôle. T'enchaînes les allers-retours au poste et les séjours au placard. Tu dis que mes sons te donnent la force, que t'en connais les trois quarts. T'es toujours dans les bagarres, des délits de fuite en pagaille. Tu parles de monter sur un plan avec deux trois gars sur Paname. Mais lâche l'affaire, c'est pas une vie ça. Mes soucis te font du tort, t'emportes les stigmates sur ton visage. Si je dis ça, c'est que je t'estime, que je t'aime comme un frère. Je suis pas là pour te juger ni te dire comment faire. Moi aussi j'ai un passif de choses dont je suis pas fier. Mais je préfère te tendre la main que te laisser par terre. T'es un bon père pour ton fils, tu l'as vu dans son regard. On dit un mot, la vie est belle, les bons moments sont rares. Tous en sursis, on kiffe, on va de l'avant. Ta chance, il faut la saisir, il suffit pas de l'attendre. Appuie sur play, on peut se comprendre sans dire un mot. Les plaies se referment avec le temps, on dit un mot. Parfois je suis seul comme mal entouré dans le carré VIP. Je veux te voir sourire, le soleil briller dans ta rétine. Plus de grisaille ni des sales ambiances où s'arrêtit. Juste kiffer voir les têtes bouger sur la rythmique. Parfois je suis seul comme mal entouré dans le carré VIP. Je veux te voir sourire, le soleil briller dans ta rétine. Plus de grisaille ni des sales ambiances où s'arrêtit. Juste kiffer voir les têtes bouger sur la rythmique. Je voudrais me barrer sous le soleil de la côte amalfitaine. Laisser de côté les prises de tête, les carnets d'affligem. Les peines qu'on s'inflige, les paquets de malbac. Les coins de Paname où ça se pique, les flics qui parlent mal. Les mecs qui partent au casse-pipe, tout ça me fait balnave. C'est mieux quand j'avais 5 piges, j'en voyais pas le mal. Parfois je sens le poids des années, nos gamins grandissent. Je veux pas attendre d'être âgé pour me faire un grand kiff. On en a fait des trajets pour poser des 16. Kiki repris des classiques, récolter des gemmes. Du papier de verre et de l'acide pour laisser des traces. Dans ce game j'aurais fait de la zik et quelques lettrages. On essaie de garder le sourire, poteau la vie c'est dur. On serre les dents comme un bouc à croquer des tasses. On garde espoir comme un chômeur qui a pris ses thunes. On avance en restant loin de la coque et des tasses. Tous en sursis, on kiffe, on va de l'avant. Ta chance il faut la saisir, il suffit pas de l'attendre. Appuie sur play, on peut se comprendre sans dire un mot. Les plaies se referment avec le temps, on dit yamo. Parfois je suis seul comme mal entouré dans le carré VIP. Je veux te voir sourire, le soleil briller dans ta rétine. Plus de grisaille ni des sales ambiances où s'arrêtit. Juste kiffer voir les têtes bouger sur la rythmique. Parfois je suis seul comme mal entouré dans le carré VIP. Je veux te voir sourire, le soleil briller dans ta rétine. Plus de grisaille ni des sales ambiances où s'arrêtit. Juste kiffer voir les têtes bouger sur la rythmique. Je regarde pas dans le passé, on dit à mon regard vers la marche arrière est cassée. On voit de l'avant, laisser les erreurs, les blesses effacées. Marche arrière est cassée, on dit à mon comme Azura, c'est toi Mizure.